إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Donc dans la continuité toujours de l'explication ainsi que des commentaires du livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnati wal kitab al-aziz. Donc si on traduit le terme Al-Wajiz fi fiqh as-sunnati wal kitab al-aziz, c'est-à-dire le concentré, le résumé de la jurisprudence contenue dans le Coran et dans la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et son auteur est Ibn Abdul Azim Ibn Badawi Al-Khilafi. Quand au cours de la semaine dernière, on avait parlé de beaucoup de choses, la première chose dont on avait parlé était qu'il était préférable de faire la prière du Fajr au début de son heure. Quelle preuve avions-nous cité pour appuyer cela? Non. La preuve est le hadith qu'on avait cité où Nisa al-Mu'minat, les femmes croyantes enfin au temps du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elles accomplissaient la prière à la mosquée et qu'elles ressortaient, qu'elles étaient les premières à en ressortir, on ne les reconnaissait pas. La ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. On avait dit c'était quoi le ghalas? C'est la nuit qui reste. Entre la nuit et le jour. On avait donné deux explications. On avait dit que c'était soit entre la nuit et le jour, ou bien c'est le mélange entre les ténèbres de la nuit et les lueurs de l'aube. Non. Et on avait dit que dans ce hadith, il y avait une preuve que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière du Fajr au début de son heure. Ensuite, on avait parlé de quand est-ce qu'une personne atteint une prière. Alors, quand est-ce qu'une personne atteint une prière? Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce sujet? Non, c'est ça. Non, on avait cité le hadith du Prophète sallam qui donnait l'exemple de deux prières. Lesquelles? Dans le hadith du Prophète sallam a donné l'exemple de deux prières. Salat al-Fajr et Salat al-Asr. Et le Prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Man adraka rak'atan من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. Et on avait dit, celui qui est, la traduction, c'est celui qui atteint une prière, une rak'at, plutôt une unité de prière, de la prière du subh, avant que le soleil ne se lève, il a atteint la prière. On avait dit quoi? Atteindre la prière, ça veut dire quoi? Une rak'at. Non, on va terminer avec Issa. Donc une raka'a entière avec son inclinaison et ses deux prosternations. Et qabla an tatlu' ash-shams, on avait dit que c'était avant que le soleil ne se lève. Comment est-ce qu'on sait que le soleil est levé? Hina yadhhar qarnu ash-shams al-a'la, lorsque la partie supérieure du disque solaire apparaît. Donc c'est là où on considère que le soleil est levé. Et faqad adraka as-subh, il a atteint la prière, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, il a atteint la prière? La deuxième raka'a, il ne l'a pas fait dans le temps. Celui qui a fait la première raka'a avant que le soleil se lève. Et la deuxième raka'a, il l'a fait au moment où le soleil est levé, donc en dehors de l'heure. Mais malgré cela, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a atteint la prière, pourquoi? Car il a accompli la première en son heure. À partir du moment où tu accomplis la première raka'a à son heure, même si tout le reste des raka'at que tu fais ne sont faites en dehors de l'heure légale, ta prière est valide. Non. Et on avait dit que ce jugement n'était pas propre à Al-Fajr et à Al-Asr, mais qu'il était plus général et qu'il englobait l'ensemble des prières. Car il y a un autre hadith où le Prophète sallam dit « Man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah ». Non. Ensuite, on avait parlé du rattrapage des prières. On avait dit que les prières devaient être rattrapées dans quel cas ? En deux cas. Lesquels ? L'oubli et le sommeil. Ce sont les deux cas, selon l'avis le plus sûr et le plus juste des savants, qui autorisent la personne de rattraper une prière lorsqu'elle l'a accomplie après son heure. Et les deux cas sont le sommeil et l'oubli. Celui qui oublie une prière ou qui dort pendant l'heure de la prière et lorsqu'il se réveille ou lorsqu'il s'en rappelle, l'heure de cette prière est dépassée, il lui est autorisé et légiféré de rattraper cette prière. Pourquoi ? Car le Prophète sallam a dit « فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا » Son expiation, il n'a d'autre expiation que de rattraper cette prière, de la prier lorsqu'il s'en souvient, lorsqu'il s'en rappelle. On avait cité la parole de l'imam Ibn Hazm, rahimahullah, qui disait que c'était la vie le plus juste, car le fait de rattraper une prière est quelque chose de légiféré. D'accord ? Et les règles qui régissent le rattrapage de la prière ne doivent être instaurées que par le Coran ou par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, ceux qui disent que celui qui délaisse une prière volontairement jusqu'à ce qu'elle sorte de son heure, qu'il rattrape la prière, on se doit de lui demander la preuve de ce qu'il apporte. Quelle est la preuve ? Que celui qui délaisse la prière volontairement jusqu'à ce que son heure sorte, quelle est la preuve qu'il doit rattraper ? Il n'y a aucune preuve. Donc on se doit de se baser sur les notions du Coran et de la Sunna du prophète qui nous sont parvenues. À la Koulihal, on avait cité qu'il y avait une divergence des savants à ce sujet et que certains savants considéraient qu'il était obligatoire d'accomplir cette prière même si la personne sait pertinemment que cette prière n'est pas acceptée, mais il doit la faire pour sa conscience. Il doit la faire parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire 5 prières par jour. Même si tu sais que l'une de ces prières que tu as faites n'est pas acceptée. Tu te dois de la faire. Certains savants disent cela. Ensuite, on avait parlé des horaires dans lesquels il était interdit de faire la prière. Quels sont ces 3 horaires ? On avait cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Zawad. Zawad. Au moment du zénith. Jusqu'à ce que le soleil jaunisse après la prière. On avait dit ça ? Lorsque le soleil jaunit après la Asr. Ouais. Et après Salat Sobh. Jusqu'à ? On avait cité après Salat Subh dans le hadith qu'on avait dit la semaine dernière. On avait dit au lever du soleil avec un temps d'une lance. On avait dit qu'il y avait trois horaires. On avait cité le hadith du Prophète qui dit ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيها موتانا فيهن موتانا. Trois horaires. Le Prophète nous a interdit d'y prier et d'y enterrer nos morts. Le Prophète a dit lorsque le soleil se lève jusqu'à ce qu'il dépasse la distance d'une lance avec eux. On avait dit quoi ? Qu'il se lève jusqu'à ce moment où il se lève, jusqu'à ce qu'il s'élève. Allez, c'est un moyen mnémotechnique. On vous dit des termes et vous les reconnaissez, vous ne vous en rappelez pas. Au moment où le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il s'élève. Allez, c'est un moyen pour vous, quand vous utilisez ces termes, c'est un moyen pour vous de vous rappeler. Allez, au moment où le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il s'élève. Et on avait dit qu'il y avait un autre hadith du prophète qui expliquait le terme élevé. Et Romh, on avait dit que c'était la lance qui était utilisée comme arme au temps du prophète. On avait dit que les savants l'avaient estimé comme étant d'une longueur de 1 mètre. Ensuite, on avait expliqué ce que ça voulait dire. Et on avait dit que c'était l'heure de Az-Zawal, l'heure du zénith, au moment où le soleil et au milieu du ciel, hatta tamil, jusqu'à ce qu'elle commence, jusqu'à ce que le soleil commence son déclin. Et la troisième, حين تتضيف الشمس إلى الغروب حين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. Et au moment où le soleil se couche jusqu'à ce qu'il se couche. Donc ça, ce sont les trois horaires qu'on avait cités la semaine dernière. Non. On va citer après. En fait, jusqu'à ce que le soleil jaunisse, c'est dans un autre hadith, pas dans ce hadith. Mais jusqu'à ce que le soleil jaunisse, il y a un hadith qui l'interdit. Mais moi, je parle de ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, on a vu ces trois horaires. Et les savants appellent ces trois horaires al-awqat al-qasira. Ce sont trois horaires qui sont courtes, mais dans lesquelles il nous est interdit d'y accomplir la prière. On avait dit que la première horaire que le prophète a cité, au moment où le soleil se lève jusqu'à ce qu'il se lève, on avait dit que c'était estimé à peu près à 10 à 15 minutes. Donc c'est un moment qui est très court. Et ces trois horaires, les savants sont unanimes sur le fait qu'il est interdit d'y prier. Ces trois horaires, la khilaf bayn ahli al-ilm fi tahrimi as-salat fiha. Et cela, il faut que vous sachiez que les savants sont catégoriques et unanimes sur ces trois horaires. Ensuite, il y a d'autres horaires où il y a une divergence entre les savants, mais ces trois horaires bien spécifiques, les savants sont tous unanimes dessus. Et ensuite, on s'est arrêté au hadith de Amr ibn Abasa que l'auteur a cité pour expliquer pourquoi est-ce qu'il est interdit de prier durant ces horaires. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله لعمر بن عبسة صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة ثم حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفي فصل فإن الصلاة مشهودة محذورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. Et l'auteur dit, et le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué et a montré la raison de l'interdiction de prier durant ces trois horaires lorsqu'il a dit à Amr ibn Abasa radiallahu anhu, le jour où il s'est converti, prie la prière de As-Subh, puis abstiens-toi des prières, abstiens-toi de la prière jusqu'à ce que le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il s'élève, car le soleil se lève entre les cornes du diable, et à ce moment les koufars, les mécréants se prosternent devant le soleil. Donc là, dans cette première partie du hadith, on retient combien d'heures où il est interdit de prier? Parce que dans le hadith de Amr ibn Abasa, il y aura des horaires d'interdiction qui ne sont pas cités dans le premier hadith Uqba ibn Amir. Le hadith où Amr ibn Uqba dit trois horaires, le Prophète Sam nous interdit d'y prier et d'y enterrer nos morts, il y en a trois. Mais dans le hadith qu'on va citer ici, qui explique le pourquoi de ces trois prières, il y a des horaires en plus que l'on peut déduire. Et la première horaire que l'on peut déduire dans la première partie du hadith qu'on a dit, le Prophète lui a dit salli salat as-subh, prie la prière du subh, puis abstiens-toi de la prière. Abstiens-toi de la prière, c'est-à-dire après subh. Thumma aqsir 'ala as-salat hatta tatlu' ash-shams hatta tartafi'. Et abstiens-toi de la prière jusqu'à ce que le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il s'élève. Mais dans le premier hadith, le Prophète a dit حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ. Dans le premier hadith, le Prophète a seulement cité au moment où le soleil se lève jusqu'à ce qu'il s'élève. Mais dans ce hadith de Amr, le Prophète a dit ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَةِ صَلِّ الصُّبْحِ صَلِّ صَلَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَةِ. Donc là, on en déduit qu'il y a deux horaires où il est interdit. Il y a après subh jusqu'à ce que le soleil se lève, et au moment où le soleil se lève jusqu'à ce qu'il s'élève. Donc il y a deux horaires interdits. Et le Prophète a expliqué pourquoi. فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حين تطلع بين قرني الشيطان. Car le soleil, lorsqu'il se lève, il se lève entre les cornes du diable. وحين إذن يسجد لها الكفار. Et à ce moment, les mécréants s'y prosternent. Ceux qui adorent le feu et le soleil se prosternent devant le soleil au moment de son lever et de son coucher. Puis le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit, puis prie, car la prière est attestée et les anges y témoignent. Les anges assistent et témoignent, car c'est une prière assistée et qui fera preuve de témoignage. Thumma salli, et le prophète lui a dit, puis prie, c'est-à-dire prie autant que tu le veux, prie ce que tu veux. À partir du moment où le soleil est levé et il s'est élevé, prie autant que tu veux, car la prière en général est assistée et assistée des anges, et c'est un témoignage en ta faveur le jour du jugement. حتى يستقل الظل بالرمح. On a dit, et le prophète lui a dit ensuite, jusqu'à ce que l'ombre diminue, jusqu'à ce qu'elle soit à la même, au même niveau que la lance. Et les savants ont expliqué que cela en disant que lorsque tu plantes une lance le matin, l'ombre de la lance ne va cesser de diminuer jusqu'à disparaître et se confondre avec la lance. Autrement dit, jusqu'au moment où la lance n'aura plus d'ombre, c'est-à-dire au zénith. Jusqu'à ce que l'ombre diminue et soit au même niveau que la lance, c'est-à-dire jusqu'au zénith. Puis abstiens-toi de la prière. Puis abstiens-toi de la prière, car c'est à ce moment que l'enfer est le plus chaud. Donc là, on a la deuxième explication de l'interdiction de prier pendant le zénith, car c'est le moment où l'enfer est le plus abrasé et le plus chaud. فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْلُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْدُورَةٌ. Et lorsque le feuille apparaît, le feuille, on avait expliqué ce que c'était, c'est l'ombre qui vient, qui apparaît juste après le zénith. En arabe, ça s'appelle al-feuille. C'est l'ombre qui apparaît juste après le zénith. Puis après le feuille, il y a avril, l'ombre, et avant le zénith, il y a l'ombre. Avril en arabe, c'est avant le zénith et après al-feuille. Et al-feuille, c'est juste après le zénith. Et le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit, et lorsque le feuil apparaît, lorsque l'ombre qui suit le zénith apparaît, alors prie, c'est-à-dire prie autant que tu veux, prie la prière, car la prière est assistée des anges et elle est un témoignage en ta faveur le jour du jugement. حتى تصلي العصر, jusqu'à ce que tu pries al-asr. Puis أقصر عن الصلاة. Puis après l'asr, le prophète عليه الصلاة lui a dit, abstiens-toi de la prière. حتى تغرب الشمس, jusqu'à ce que le soleil se couche. Et là, dans ce hadith, on en déduit un autre horaire où il est interdit de faire la prière. Lequel? Après l'asr. Parce que dans le premier hadith, le prophète عليه الصلاة qu'est-ce qu'il a dit? حين تتضيف الشمس للغروب, au moment où le soleil s'apprête à se coucher. Mais dans ce hadith, le prophète Hassan lui a dit, حتى تصلي العصر, jusqu'à ce que tu pries l'asr, puis أقصر عن الصلاة, puis abstiens-toi de la prière. Quand? Après l'asr. حتى تغرب الشمس, jusqu'à ce que le soleil se couche, فإنها تغرب بين قرن الشيطان وحين إذن يسجد لها الكفار. Et à ce moment, car elle se couche, ou plutôt le soleil se couche entre les cornes du diable, et à ce moment les mécréants s'y prosternent, ceux qui adorent le feu et le soleil. Donc là, dans ce hadith, le prophète nous a expliqué les raisons pour lesquelles il est interdit de prier pendant les trois horaires les trois horaires qui font l'unanimité des savants. Et dans ce hadith, on en déduit en plus combien d'horaires? Deux horaires. En tout, il y a combien d'horaires? Cinq. En tout, on en déduit qu'il y a cinq horaires dans lesquels il est interdit aux musulmans de prier. Et ces cinq horaires sont rapportés dans la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, comme on vient de le voir. Et il y a une divergence des savants. Donc, comme je vous ai dit, les savants sont unanimes sur les trois premières. Et il y a une divergence après l'Asr. Et l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est qu'après l'Asr, il est autorisé de prier pour celui qui le désire. Pourquoi? Pourquoi? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Amr ibn Abasa de ne pas prier, de s'abstenir de la prière après l'Asr. Pourquoi? Car il y a d'autres hadiths où le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam priait, qui nous montre et qui nous prouve que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a prié après l'Asr. Et d'autres hadiths où le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit la salata ba'da al-asr illa wa shamsu murtafi'a. Car dans un autre hadith, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de prière après l'Asr tant que le soleil est élevé. Et les savants disent, les savants, pas tous les savants, beaucoup de savants disent que ce hadith du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam vient restreindre le premier. Car le prophète sallallahu alayhi a dit dans ce deuxième hadith il n'y a pas de prière après l'Asr tant que le soleil est élevé. Autrement dit, tant que le soleil ne jaunit pas, tant que le soleil n'est pas jaunâtre. Et on peut rassembler les deux hadiths. Le premier hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit à Abasa Thumma aqsir alayhi salat, lorsqu'il lui a dit après l'Asr, abstiens-toi de la prière. On peut rassembler ce hadith avec l'autre hadith, c'est-à-dire abstiens-toi de la prière tant que le soleil est élevé, tant qu'il n'est pas jaunâtre. Et lorsqu'il commence à être bas dans le ciel, qu'il commence à jaunir, dans ce cas, abstiens-toi de prier. Et c'est ainsi qu'il faut faire avec le hadith du prophète alayhi sallam. Les savants disent al-jam'u awla min at-tarjih. Rassembler les hadiths du prophète alayhi sallam et trouver une coïncidence entre eux et prévaut sur le fait de prévaloir un hadith sur un autre, de dire que ce hadith est plus authentique et plus fort que celui-là. Le mieux, c'est de rassembler les hadiths du prophète alayhi sallam et de trouver un terrain d'entente entre eux, même s'il n'y a pas de contradiction, car il n'y a jamais de contradiction entre les sources divines. Les versets du Coran et les hadiths du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam ne se contredisent jamais. Si une personne voit une contradiction, cette contradiction est apparue à cause de quoi? À cause soit de la faiblesse de science ou soit du manque d'intelligence de cette personne. Mais quant au Coran et à la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des sources divines, ce sont des sources protégées, il n'y a aucune possibilité de contradiction entre elles. Et les savants, rahimahullah, ont écrit des volumes et des volumes pour montrer, justement, pour expliquer, pour montrer le terrain d'entente entre des hadiths ou des versets qui, lorsqu'on les lit, on a l'impression qu'ils sont contradictoires. Mais les savants ont apporté ces hadiths, ont rapporté ces versets, les ont comparés et ont montré que, bien au contraire, ces hadiths et ces versets du Coran ne sont en aucun cas contradictoires. Et l'imam Tahawi, rahimahullah, a écrit un livre Mushkilat Athar où il résout entre guillemets les problèmes qui sont apparents à premier abord entre les hadiths du prophète alayhi sallam. Et c'est un livre qui fait plus de 15 volumes. Donc celui qui un jour lit de hadith et voit une contradiction, s'il est arabophone, qu'il retourne à ce livre de l'imam al-Tahawi rahimahullah et il verra qu'il a trouvé une solution et un terrain d'entente entre ce qui paraît contradictoire, mais qui en vérité ne l'est pas. D'autres savants ont écrit des livres aussi, mais je n'ai pas leur nom en tête, mais l'imam Tahawi rahimahullah n'est pas le seul à avoir écrit dans ce domaine. Donc, la preuve qu'il est autorisé de prier après l'Asr, c'est ce hadith. Il y a un autre hadith de Aïcha radiallahu anha, qui dit ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. عائشة رضي الله عنها dit le prophète صلى الله عليه وسلم n'a jamais délaissé les deux rak'at après l'asr chez moi, il ne les a jamais délaissés. Donc c'est une attestation de Aïcha رضي الله عنها qui dit que lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم venait chez elle après l'asr, il priait toujours deux rak'at. Et beaucoup de compagnons sont de cet avis, comme Ibn Abbas, comme Ali radiallahu anh, comme Zubayr son fils, comme Tamim al-Dari, comme Abu Musa al-Ash'ari, autant de compagnons qui autorisaient de prier après la prière de l'Asr. D'accord ? Et on, toujours tant que le soleil est élevé, tant que le soleil n'a pas sa couleur jaunâtre. Et quant à Subh, après Subh, il est interdit. Celui-là, il n'y a pas de hadith qui autorise de faire la prière après As-Subh. D'accord ? Sauf pour celui qui est arrivé et n'a pas prié Al-Fajr. Il y a des hadiths du Prophète qui autorisent pour celui qui arrive pendant la prière du Subh et n'a pas eu le temps de prier Al-Fajr. Il lui est autorisé de prier Al-Fajr par la suite. Et ça, on va expliquer pourquoi. طيب يقول المؤلف ويستثنى من هذا النهي زمان ومكان أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى حديث صحيح رواه البخاري. Et il est exempté de cette interdiction un laps de temps et un endroit. Donc on a dit les horaires de prière où il est interdit, les horaires où il est interdit de prier sont au nombre de 5, d'accord ? Et il y a deux choses qui sont exemptées de cette interdiction. Il y a un temps, un laps de temps et un endroit. Le laps de temps, c'est au moment du zénith, le jour du vendredi. Au moment du zénith, le jour du vendredi, la preuve est le hadith du prophète alayhi sallam. Lorsqu'un homme se lave le jour du vendredi et se lave autant qu'il le peut et se parfume, et c'est le fait de mettre de l'huile sur ses cheveux, et met de l'huile autant qu'il le peut et touche au parfum de sa maison et se parfume, puis sort sans séparer de personne, de ne pas s'asseoir entre deux personnes, puis prie ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a écrit et écoute l'imam lorsqu'il parle sans que ses péchés ne soient pardonnés entre ce vendredi et le suivant. Entre ce vendredi et le suivant. Enfin, quelle est la preuve dans ce hadith qu'il est autorisé de prier pendant le Zawal? Et prie autant qu'il le veut. Et ça, malheureusement, c'est une sunna qui, malheureusement, est délaissée à notre époque. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est délaissée à notre époque. Les gens maintenant, lorsqu'ils viennent après le Jumu'ah, ils s'assoient, ils attendent. Certains qu'Allah a guidés prennent le mushaf, d'autres prennent des livres, lisent, s'occupent, certains font l'adhkar. Tout cela est autorisé, mais il y a une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que beaucoup délaissent, c'est de prier. De prier autant que tu le peux. ثُمَّ يُصَلِّي مَا كَتَبَ مَا كُتِبَ لَهُ. Donc une des sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut faire revivre, une personne qui vient avant le Jumu'ah, même si elle vient une heure avant, elle peut prier Doraka'a jusqu'à ce que l'imam vienne et monte sur le minbar. C'est une sunnah qu'il faut faire revivre. Si on ne la fait pas revivre, qui va la faire revivre? À partir du moment où on la connaît, on se doit de la faire revivre, ne serait-ce que de temps en temps. Ne serait-ce que de temps en temps pour montrer aux gens que cela fait partie de la sunnah du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants en ont déduit que l'heure du zénith, le jour du vendredi, est une horaire qui est exemptée d'interdiction. Car le Prophète nous a encouragé à y prier. Le mu'allif, يقول المؤلف ندبه إلى صلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام. ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام فجعل المانع من الصلاة خروج الإمام لم تصاف النهار. Donc l'auteur a dit dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام nous a encouragé à prier ce qu'Allah سبحانه وتعالى nous a écrit, et ce qui nous interdit de prier c'est le moment où l'imam apparaît. Lorsque l'imam monte sur le minbar, c'est à partir de ce moment où il n'est plus autorisé de prier. Et il dit, c'est pour cela que beaucoup de salafs, parmi eux Omar ibn Khattab radiallahu anhu, et l'a suivi par la suite l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, lorsqu'ils ont dit, la sortie de l'imam interdit la prière et sa khutbah, son sermon, interdit la parole. C'est une parole qui est connue des salafs. خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام. La sortie de l'imam et sa montée sur le minbar interdisent la prière et son sermon interdit la parole. فجعل المانع من الصلاة خروج الإمام لم تصرف النهار. Et ils ont considéré comme ce qui interdit la prière le fait que l'imam sorte et non pas le zénith. Les savants, le jour du vendredi, disent que ce qui interdit la prière, c'est la sortie de l'imam, et ils n'ont jamais parlé du zénith. Non. Il est déconseillé de venir et de séparer des personnes. Supposons, toi tu es venu avec un frère, tu t'es assis. Toi tu veux prier à côté de ce frère. Et une autre personne vient et elle se sent entre vous. Enfin, c'est ça, mais interdit cela. Il faut demander la permission après pour voir en fonction des circonstances. Mais de venir comme ça, de s'asseoir devant deux personnes et de les séparer, cela n'est pas autorisé. Non. لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي والنسائي. Et quant à l'endroit, donc on avait dit qu'il y avait un horaire qui était exempté de cette interdiction, qui est le zénith, le jour du vendredi. Et il y a un endroit, et cet endroit c'est Mecca, la ville de la Mecque, qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente le fait qu'elle soit sacrée et grande à nos cœurs. Il n'est pas déconseillé ni interdit d'y prier à n'importe quelle heure que ce soit. La preuve est le hadith du prophète alayhi sallam: ô fils de Abdomanaf, n'interdisez à personne qui fait at-tawaf, qui fait la circumambulation ou qui fait les tournées autour de la Kaaba, et prie à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Dans ce hadith, le prophète alayhi sallam a parlé aux enfants de Abdi Manaf. Qui est Abdi Manaf? Sont ceux qui avaient le pouvoir et qui avaient un pouvoir exécutif sur Mecca. Ils avaient le pouvoir d'interdire aux gens d'entrer et de sortir. Et le prophète les a exhortés en les appelant par leur nom. Ya Bani Abd Manaf. Et Abd Manaf, c'est qui par rapport au prophète? Hmm? Son nom. Son oncle. Ses oncles. Mohammed, c'est quoi le prophète? C'est quoi le nom de ses ancêtres? Mohammed Ibn Abdillah, Ibn Abd al-Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abd Manaf. Donc c'est l'arrière, donc le grand-père du prophète al-Salam c'est Abd al-Muttalib, son arrière-grand-père c'est Hashim, et son arrière-arrière-grand-père c'est Abd Manaf. Et le prophète al-Salam les a exhortés en disant: ô fils de Abd Manaf, n'interdisez à personne de faire la circumambulation, de faire les tournées autour de la Kaaba et de prier à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et les savants ont déduit de ce hadith, lorsque le prophète a dit طاف بهذا البيت وصلى, qu'est-ce qu'ils en ont déduit? Lorsque le prophète a dit n'interdisez à personne qui fait le tawaf et qui prie. Les savants ont dit que prier, c'est-à-dire prier raka'atayn après le tawaf. D'autres savants ont dit non. C'est de prier en général et de faire le tawaf en général. Certains savants ont dit cela et d'autres savants ont dit que de prier, c'est-à-dire prier en général. Autrement dit, c'est l'avis de l'auteur. Car il l'a cité, il dit que il n'est déconseillé à Mecca aucune prière, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et les savants ont aussi déduit de ce hadith et en ont prouvé que le tawaf n'est pas une prière. Parce que le prophète m'a dit la tamna'u ahadan tawafa bihad al-bayt wa salla et prie. Donc autrement dit, un tawaf, ce n'est pas une prière. On avait déjà parlé de ce sujet et que la vie le plus sûr, inshallah tabaraka wa ta'ala, on en a encore une preuve de plus, c'est que le tawaf n'est pas une prière et donc il n'est pas obligatoire d'avoir les ablutions pendant le tawaf, même si c'est conseillé et recommandé, mais ce n'est pas une condition. Mais ça, certains même shurut au tawaf. ثم يقول المؤلف والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي صلاة التطوع المطلق الذي لا سبب له. Et le cheikh dit et la prière durant ces horaires, donc les horaires qu'on a cités, les prières qui sont interdites durant ces horaires sont les prières surérogatoires, sont les prières purement surérogatoires. Les prières qui sont interdites durant ces horaires sont les prières purement surérogatoires, celles qui n'ont pas de cause. Elle a dit « la sabab alah » celles qui n'ont pas de cause. « فَيَجُوزُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ قَضَاءُ الْفَوَائِدِ فَرِضَةً كَانَتْ أو نافلة لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك حديث متفق عليه. Ensuite le cheikh dit il est autorisé de prier durant ses horaires, par exemple de rattraper une prière, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire. La preuve est le hadith du prophète qui dit celui qui a oublié une prière, qu'il l'a prie au moment où il s'en rappelle, la kaffarata lahu illa dhalik, il n'y a d'expiation à faire que cela, que le fait de rattraper. J'ai la ha, mais c'est une erreur, c'est une erreur de frappe. La kaffarata laha illa dhalik. Qui a oublié de prier? Man nasiya salatan falyusalli idha dhakaraha. La kaffarata liman. Il n'y a d'expiation pour qui? Pour celui qui a prié. Il n'y a pas d'expiation que cela. Donc c'est clair que c'est une erreur de frappe. Dans le livre c'est marqué laha, mais al-sahih c'est que c'est lahu. La kaffarata lahu illa dhalik. Dans le hadith de Anas, pourquoi il dit la kaffaratuha? Là il parle de Anas radiallahu anhu, qala nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam, man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha. Non, sahih. C'est vrai, t'as raison. Inch'Allah, je vais regarder le. Je me suis trompé. C'est bien la kaffarata laha. Il n'y a pas d'expiation à faire pour la prière. Il n'y a pas d'expiation à faire pour la prière. Donc c'est bien la kaffarata laha. Je m'excuse, c'est bien la kaffarata laha. Man nasiya salatan falyusalli idha dhakaraha la kaffarata laha illa dhalik. Il n'y a pas d'expiation à faire pour cette prière si ce n'est le fait de la rattraper. Et quant au fait de rattraper une prière surérogatoire, dans la sunna, le prophète alayhi salatu wasalam, il était rapporté qu'il a rattrapé sunnat al-dhuhr ba'da al-asr. La hadith du Prophète a rattrapé la sunnat al-dhuhr, les deux rak'at après le dhuhr, le Prophète les a rattrapés après al-asr. Kama tajouzu salatu aqiba al-wudu fi ayyi waqtin kan, li hadith Abi Hurayra أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي، أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. حديث سبق. De même qu'il est autorisé de prier après avoir fait ses ablutions et ceci à n'importe quelle heure. La preuve est le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Bilal au moment de la prière du Subh: ô Bilal, informe-moi de l'acte que tu fais par lequel tu espères le plus de récompense en islam. Car j'ai entendu le bruit de tes pas ou le bruit de tes sandales devant moi au paradis. Bilal radiallahu anhu lui a répondu: l'acte que je fais par lequel j'espère le plus être récompensé est le fait que à chaque fois que je fais mes ablutions, à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour, je la fais suivre de prières. Et je l'avais suivre de prières et un nombre de prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a écrit. C'est-à-dire, il priait, après avoir fait les ablutions, le nombre de prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait écrit. Autrement dit, il est autorisé pour celui qui a fait ses ablutions de prier 2 raka'at ou plus, après avoir fait ses ablutions, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, même si cela coïncide avec des horaires interdits. وتجوز تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Et de même qu'il est autorisé de faire les 2 raka'at du salut de la mosquée. La preuve est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam: lorsque l'un d'entre vous entre dans la mosquée, qu'il ne s'assied pas tant qu'il n'a pas prié 2 raka'at. Qu'il ne s'assied pas tant qu'il n'a pas prié 2 raka'at. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Comment rassembler entre ces hadiths et le hadith du prophète Al-Sassam qui dit par exemple: La salata ba'da al-subh hatta tatlu' al-shams. Comment rassembler entre ces hadiths-là et le hadith du prophète Al-Sassam interdit? Là, on a cité des hadiths qui autorisent de prier à n'importe quelle heure. Et un autre hadith du prophète qui est interdit de prier par exemple après Sobh jusqu'à ce que le soleil se lève. Comment rassembler ces hadiths? Dans le premier hadith que tu as cité là, il dit à n'importe quel de la jour de l'heure du jour de la nuit, je fais le jour, je fais. Si je peux quitter ça. Yanni, il y a un khilaf des savants. Parce que on peut comprendre de deux façons. On peut comprendre que le hadith du prophète sallam qui dit la salat ba'da as-subh hatta tatlu' ash-shams, il vient restreindre ces hadiths là. Vous avez compris? On peut dire que le hadith de Bilal par exemple où il dit je faisais suivre 2 raka'at après avoir fait mes ablutions à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on peut restreindre ce hadith en disant mais il y a un autre hadith du Prophète qui dit la salat ba'da as-subh hatta tatlu' ash-shams, c'est-à-dire prie après tes ablutions de raka'at à n'importe quel jour de la nuit ou du jour, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, sauf au moment où après subh jusqu'au moment où le soleil se lève. On peut comprendre comme ça, des savants l'ont compris comme ça. Et d'autres savants ont dit non, c'est l'inverse. Le premier hadith du prophète, lui, est général. Et le second vient le restreindre. Et c'est la vie le plus sûr, Inch'Allah. Et le cheikh a cité ses prières, le fait de rattraper les prières, de pouvoir les prier à n'importe quelle heure, de faire les raka'at après l'ourdeau, de faire le tahiyat al-majid. Il a cité cela à titre d'exemple. Il n'a pas cité cela pour dire que c'est uniquement ces prières qui nous sont autorisées. Non, les savants ont dit, toutes les prières qui ont une cause, il est autorisé de les faire à n'importe quelle heure de la journée. Comme par exemple, Salat al-Kusuf, la prière de l'éclipse. Le Prophète nous a ordonné de nous empresser. Le Prophète, lorsqu'il voit une éclipse, yafza' ila salat. Il s'empressait avec crainte, et le Prophète avait peur, et il accourait vers la prière. Et souvent on dit, par exemple, cette prière, la prière de l'éclipse, c'est une prière qui a une cause, donc elle doit être faite à n'importe quelle heure de la journée. Salat al-Janaza, etc., etc. Toute prière qui a une cause, il est autorisé de la faire à n'importe quelle heure de la nuit ou de la journée. Non. Salat al-Istikhara aussi. Salat al-Istikhara. Toutes les prières qui ont une cause. Non, Bachir. تحيه المسجد لا خلاف الراجح c'est obligatoire parce que le Prophète a dit فلا يجلس et le Prophète on l'avait dit lorsqu'il interdit quelque chose النهي للتحريم إلا لقرينة parce que le Prophète interdit une chose c'est une interdiction qui veut dire interdit. Lorsque le Prophète interdit une chose, c'est-à-dire que cette chose est haram, jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à la preuve, par exemple, qu'il y a un autre hadith qui nous prouve que le Prophète, il ne voulait pas dire par là interdire, mais il voulait dire déconseiller. D'accord ? Mais le Prophète a dit qu'il fallait à Yajlis qu'il ne s'assied pas avant d'avoir fait deux raka'at, c'est-à-dire qu'il lui est interdit de s'asseoir avant d'avoir accompli deux raka'at. Non. Pour ça, qu'est-ce que c'est avant dans la possibilité de prier avant dans Dawat al-Asbab. Hein, les savants, ils rentrent dans Dawat al-Asbab. Les savants, lorsqu'ils citent les exemples, ils citent parmi ces exemples, Salat al-Istikhara. Non. Oui. Pour la partie de. Tout au du vendredi, pour la partie du monde, tu fais comme tu veux. Non, tu fais ta hajj magique. Parce que le Prophète Salam, il faisait la khutbah, un homme est venu, il s'est assis. Et le Prophète Salam lui a demandé, est-ce que tu as pris de raka'at? Et là, on voit le comportement du Prophète Salam. Il n'a pas dit, lève-toi, prie de raka'at. Non. Malgré que le Prophète Salam l'ait vu, il lui a quand même demandé, est-ce que tu as pris de raka'at? Il lui a dit non. Il lui a dit, qum fasalli. Wa qum fasalli, wa jawis fihima. Et fais-les légères. Et un effilé rapidement. Donc cela prouve qu'une personne qui rentre pendant que l'imam fait la khutbah le jour du vendredi, il doit aussi faire tahiyat al-majid et ne pas s'asseoir avant d'avoir accompli deux rak'at. ثم يقول المؤلف النهي عن التطوع إذا أقيمت الصلاة. لا عفوا النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. عن يسار مولى بن عمر رضي الله عنه. قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. إسر يسار رضي الله عنه il dit Ibn Omar radiallahu anhu m'a vu en train de prier après le lever du Fajr, après l'apparition de l'aube, et il m'a dit oh Yassar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et nous a vu en train de faire cette prière, c'est-à-dire cette prière que tu fais après l'aube. Faqal, et le prophète alayhi wa sallam a dit que ceux qui sont présents rapporte à ceux qui sont absents, ne priez la tusallu ba'd al-fajr illa sajdatayn, ne priez après al-fajr, après l'apparition de l'aube, que deux prosternations, c'est-à-dire deux rak'at, illa sajdatayn ay illa rak'atayn. Donc dans ce hadith on en déduit qu'il est interdit de prier après tulu' al-fajr, après l'apparition de l'aube. Il y a aussi une phrase comme quoi, de ce jour de. Non, le prophète parle de 10 sajdatain en voulant dire rak'atain pour montrer l'importance de la prosternation. Non. النهي عن التطوع إذا أقيمت الصلاة. De même qu'il est interdit de faire des prières surérogatoires au moment de إذا أقيمت الصلاة, lorsque la prière commence. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Hadith sahih, rawahu Muslim wa Tirmidhi wa Abu Daoud. Et selon Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, lorsque la prière arrive, idha uqimat as-salah fala salata illa al-maktuba. Idha uqimat as-salah, les savants ont compris cela différemment. Certains savants ont dit idha uqimat as-salah ay inda iqamat as-salah, lorsqu'il y a l'iqama. D'autres savants ont dit إذا أقيمت الصلاة أي إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام. Et ça, c'est l'avis le plus sûr, inshallah, des deux, c'est que c'est إذا أقيمت الصلاة, c'est-à-dire lorsque l'imam s'apprête à faire تكبيرة الإحرام. Lorsque l'imam s'apprête à faire تكبيرة الإحرام, il n'y a pas de prière hormis la prière obligatoire. لا صلاة إلا المكتوبة. Justement, pour celui qui prie, et ensuite là il y a une mas'ala, celui qui prie alors qu'il y a l'iqama, celui qui entre et fait deux rak'at du salut de la mosquée, et à ce moment l'iqama commence, qu'est-ce que la personne doit faire? Est-ce qu'elle doit continuer? Est-ce qu'elle doit s'arrêter? Est-ce qu'elle doit sortir? Il y a deux avis des savants. Le premier avis, qui est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, qui dit, lorsque la personne est dans la première raka'at, lorsqu'il a fait une première raka'at, cette première raka'at, si elle est complète au moment de l'iqama, il continue, il fait la deuxième. Si au moment où il y a l'iqama, il est à la première raka'at, mais que cette raka'at n'est pas complète, il sort de la prière. Et Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a cité une preuve que c'est un des avis les plus forts, rahimahullah. Cheikh, cela on voit que c'est vraiment un faqih, et c'est un avis que j'ai entendu que de lui. Il dit la preuve, c'est le hadith du prophète A.S. qui dit man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah. Parce que les savants, il y a trois avis, et en général, il y a trois avis sur cette masala. Des savants disent que la personne doit continuer sa prière lorsqu'il y a l'iqama. Il continue sa prière, pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, et n'annulez pas vos actes. Donc à partir du moment où tu commences un acte, tu ne dois pas l'annuler. D'autres savants ont dit tu dois couper ta prière, tu dois sortir de ta prière. Quel que soit l'endroit où tu es, que ce soit dans la première rak'a, dans la deuxième, que tu sois dans tashahhud, que tu sois à n'importe quel endroit de la prière, tu dois sortir. Et il y a un troisième avis qui précise. Et dans ce troisième avis, il y a deux avis. Le premier avis, c'est celui de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah qui dit lorsque tu es dans la première rak'a, si au moment de l'iqama, tu es en état de recours de la première raka'at, est-ce que ta première raka'at est complète ou pas? Non. Si l'iqama se fait au moment où tu te lèves de la deuxième prosternation de la première raka'at, là, ta première raka'at est valide, donc tu continues ta prière. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, sa preuve, c'est le hadith du prophète A.S. qui dit « Man adraka raka'atan min as-salah, faqad adraka as-salah. » Celui qui atteint une raka'at de la prière a atteint la prière. Et Cheikh Ibn Uthaymeen dit, et cela est comparable au fait de prier pendant une heure interdite. Parce que le prophète a considéré la prière comme étant valide, malgré que la deuxième raka'at soit faite pendant une heure interdite. Et Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, c'est la même chose pour ça. Et à partir du moment où l'imam a fait takbirat l'ihram, c'est un moment où il est interdit de prier. Mais celui qui a fait la première raka'at, il doit continuer sa prière. Pourquoi ? Parce que le prophète a autorisé de prier le reste de la prière, même si cela est dans une horaire qui est interdite. Là, on voit le fiqh de Cheikh Al-Zaymi, rahimahullah. D'accord. حتى بعد تكبير الإحرام الشيخ يجي حتى بعد تكبير الإحرام et الشيخ الألباني رحمه الله lui il considère que c'est du cas par cas. Tout dépend de la personne, tout dépend de la personne, de comment elle prie, et tout dépend de l'imam, comment il préside. En fonction de la personne, par exemple, une personne qui a l'habitude de prier vite, elle sait que, par exemple, Cheikh dit, le principal, c'est de prier, de finir la prière avant Takbirat l'Ihram. Si la personne sait qu'elle peut finir sa prière avant Takbirat l'Ihram, elle continue sa prière. Si elle sait qu'elle ne pourra pas atteindre Takbirat l'Ihram, elle coupe sa prière. Et Cheikh Al-Bani, rahimahullah, dit, et cela, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Il y a la personne, il y a l'imam. Et les imams, par exemple, ils vont dire Stao, Allahu Akbar. D'autres imams, ils vont dire Stao, Atadiru, Tarasu. Ils vont faire le tour des sofouf. Ils vont voir tous les sofouf. Ils vont attendre la confirmation que les rangs sont bien rangés. Et il y a un imam qui est connu comme cela, une personne qui rentre et qui fait la prière, il sait qu'il a encore une minute, voire deux, pour pouvoir finir sa prière et pouvoir atteindre Takbirat l'Ihram avec l'imam. Donc ça, ce sont les deux avis qui sont aussi forts l'un comme l'autre. Non. Comment il coupe la prière? Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin disent tous que la prière sort, la personne sort sans faire le salam. Sans faire le salam. Pourquoi? Car le prophète alayhi sallam a dit فَلَا صَلَاتَ إِلَّا الْمَكْتُوبَ. Il n'y a pas de prière sauf celle qui est obligatoire. Et le prophète عليه الصلاة والسلام dans un autre hadith a dit مِفْتَاحُ الصَّلَاةَ الطَّهُورُ وَتَحْلِيلُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit les clés de la prière sont la purification. Ce qui interdit, c'est-à-dire ce qui est interdit pendant la prière, ce qui est autorisé en dehors, c'est takbirat al-ihram wa tahliluha at-taslim. Et ce qui autorise les choses interdites pendant la prière, c'est at-taslim. C'est le fait de faire les salutations. Et le prophète alayhi salam a dit wa tahrimuha wa tahliluha, c'est-à-dire tahlil madha as-salat. Ce qui interdit la prière, ce qui interdit les actes à faire pendant la prière. Or, le prophète a dit le prophète ne l'a plus considéré comme étant une prière. Et une prière, à la base, c'est une prière entière. C'est deux raka'at entières. À partir du moment où tu n'as pris qu'une raka'at, est-ce que c'est une prière? Non. C'est plus une prière. Donc tu n'as plus besoin de faire un taslim pour t'autoriser ce qui est interdit pendant la prière. Pourquoi? Car à la base, ce n'est plus une prière. Et ça, c'est l'avis des trois savants. Alhamdulillah ta'ala. Alhamdulillah. Wa iktafi bi hadha al-qadr. Wa sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.